Induna palza, no cui se de grome, con puglia non taita, no cui se valime, alba ne drinki, se mame e chiare, istame se schiacciti, e il dolore era de sa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À l'Ouest, rien de nouveau pour un peu de l'inédit, puisque aujourd'hui on va dans les Balkans et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait et on le fait avec Souris. Salut Souris! Salut Milky et salut tout le monde. Et une fois n'est pas coutume, avec dans ce duo, c'est moi qui ai préparé la playlist et aujourd'hui on va aller du côté de la Slovénie, majoritairement dans les années 80, tout au début des années 80 et un peu après l'indépendance en 94. Et on va commencer avec un groupe qui s'appelle Bulldoggy. Ouais, on n'a pas besoin de traduire là, ça non. Va. Non, hein. Ouais, c'est ça. En plus, ouais, qu'on avait passé il y a un bout de temps, la dernière émission sur la Yougoslavie qu'on avait fait avec Ed. Et le morceau. Donc, Bulldoggy, pour vous rappeler, c'est un groupe slovène de street punk des années 80. Et visiblement, c'est des légendes. Et le Voilà. morceau qu'on va écouter, Rien de moins que des légendes. rien de moins, oui. Sur la description, il écrit « Early Song of Legendary Sovereign Punk Veterans ». Ah, en plus vétéran, alors là. Carrément vétéran. Et du coup, tu as choisi comme morceau Tony Ballet. C'est Un ça. genre qui veut dire « c'est pas du ballet, quoi. On n'est pas là pour faire des pointes ». We'll be right back. C'était Bulldoggy avec Tony Ballets. Et on va poursuivre l'émission avec un groupe de post-punk. Puis qui date pas d'hier, hein, quand même. Non, carrément pas même. Ouais. 79. Hein. Donc, du post-punk en 79, moi, ça me fait un peu marrer, C'est mais. clair. Et bon, voilà. Donc, du coup, le groupe, il s'appelle In Dust Bag. Tout C'est à fait. ça? Ouais, tout à fait, ouais. À fait. OK. Et le titre, c'est quoi? Alors, il y a deux titres. Le premier, c'est 100 décibels. Ah, tu n'as pas traduit 100 alors? Est-ce qu'on tente et on dit ça va être comme en polonais, c'est sto? Bah, je suis pas sûr en fait. Ah. Je suis pas sûr du tout. Alors, je vais en direct, je vais regarder. En Allez. direct, je vais regarder sur les internets. Qu'est-ce qu'on ferait maintenant sans Internet, hein? C'est clair. Allez, dis-nous tout. Qu'est-ce que ça donne? Sto. Eh ben voilà, t'as vu ça? STO. Voilà, fantastique, comme en polonais, C'est ça, parfait. on est bien, hein, finalement, tu vois, on avait peur de se lancer, mais finalement, on n'est pas trop dépaysé, hein. Ah bah écoute, hein, la prononciation c'est la même, apparemment il y a des mots qui sont vraiment aussi pareils, quoi. Ouais, Bon, peut-être transparent. des petites différences d'orthographe par-ci par-là, mais bon, rien de bien fou, hein. Disons que sur Psychosa, il y aurait peut-être eu un petit C ou un W quelque part. Oui, je pense que en polonais, l'orthographe aurait été plus compliquée que ça. Ouais, là ça Là, va. ça paraît trop simple, en fait. Ouais, ça fait pas peur, hein. Non, c'est ça. Что мишки организм не знаю Пластично все собирай сами Швид и биты пошли рекламы Все забирай и поговоря Что мишка пустала мочи по назаря Бетонская джунгля C'était donc Induced Bag avec Sto Decibel et Psychosa. Et on va poursuivre avec un groupe. Tiens, je te laisse faire. UBR, bah alors par contre, on sait pas pourquoi à quoi correspondent les lettres, c'est Non, ça? j'ai pas trouvé. Ah là là, mais oui, ça des fois, hein, Ouais. malheureusement. Et donc, ouais, un groupe apparemment de hardcore du début des années 80. Et tu as choisi deux titres, Niemaram et Troyborg. C'est ça. Ça veut dire quoi tout ça, alors? Némaram, ça veut dire je n'aime pas. Et Tvoibog, ça veut dire ton Dieu. Bienvenue chez les Troyborg qui est plus malin. La C'était Hubert avec Nemaraï et Foybog. Et nous allons terminer cette émission avec un groupe que j'avoue, on l'a déjà écouté sur Allo Estrella Nuovo une fois, mais j'adore vraiment ce groupe. C'est Scuffy Dogs, un groupe formé en 1994, donc quand la Slovénie n'était plus une république de la Yougoslavie. Et le premier morceau, c'est Dobro jutro, ça veut dire bonjour. Et le deuxième, c'est Nocturna Chronica, fait venir chronique de la nuit. Ah, t'as tout fait tout seul, quoi. Ouais, j'étais lancé, désolé. Voilà, c'est ça, quoi. C'était Scuffy Duck pour terminer cette émission. Merci à toi, Souris, pour la coprésentation de cette petite émission slovène. Bah écoute, pour une fois, je me suis limite tourné les pouces. Ça rappelle les vacances, ça fait du bien, non? Ouais, c'est ça, quoi. C'était ma semaine de vacances, en C'est effet. ça. Et bah restez à l'écoute de Droguise Radio car la voix de la Oi ne s'éteint pas. Salut! Salut!